quelle histoire si dure à vous conter. Ça c'est sûr. Une de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? Ça c'est sûr. Mon Dieu, quelle histoire si dure à vous conter. Ça c'est sûr. Une de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? Je m'éveille ce matin, je veux les idées dans la brume. Je ne sais plus trop bien le jeu que maintenant j'assume. Alors voilà, c'est donc un bon moment avec elle qui m'avait duré tout le temps. Mon Dieu, quelle histoire si dure à vous conter. C'est sûr. Une de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? C'est sûr. Mon Dieu, quelle histoire si dure à vous conter. C'est sûr. Une de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? J'étais bien, j'avais toutes mes sensations. Prêt à l'exploit, proche de la satisfaction. J'avais tout mon temps, j'étais vraiment pas conscient. Cours après, je prendrai les événements. Mon Dieu, quelle histoire si dure à vous conter. Une de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? Mon Dieu, quelle histoire si dure à vous conter. Une de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? J'ai entendu la porte, je m'étais dit. Si elle c'était son mari, tout au massif, genre soupolé. Il m'a fumé, j'ai tout senti, mais je suis resté très ding ding. Mon Dieu, quelle histoire si dure à vous conter. Ça c'est sûr. Une de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? Ça c'est sûr. Mon Dieu, quelle histoire si dure à vous conter. Ça c'est sûr. Une de ces aventures, mais pourriez-vous me croire? Protamagus présente le géant belge. Bien furieux. Mon Dieu, quelle histoire si dure à vous conter.